Arc-en-ciel. Bonjour à tous, musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute! Bonjour à toutes, donc les 13h30, bienvenue à vous tous et à vous toutes, si vous prenez l'écoute, voilà, donc eh bien le retour avec l'émission Music Dance comme tous les mardis. Voilà donc aussi, j'espère que vous avez passé tout simplement une très bonne matinée avec l'émission de Lorenzo, tout simplement, et puis aussi en famille aussi. Et puis aussi un petit coucou à ceux qui sont bien en vacances, bien profitez-en, vous avez encore 15 jours de repos, ben c'est bien, profitez-en bien. Voilà, donc plus tarder, je vous laisse avec la musique, on va tout simplement débuter l'émission avec du latino. Arc-en-ciel, les meilleurs sons latinos. L'espoir, toi et moi c'est le début d'une histoire. Tu es celle qui sait lire dans mes pensées. Avec toi, le temps s'est arrêté. Diamant, yeah, original, tout le monde. movimiento futuro, movimiento para la direita, movimiento para la esquerda. Esquece todo y ven con a gente, a magia está no mar. Escuta bien, escuta son, la cultura está quebrada. Vamos lá, vamos lá, as mãozinhas no ar. É futuro pra lá, é futuro pra cá. Eu vai lá na cururu, pra passar um momento. Eu vai lá na cururu, tic-tá, tic-tá, oh. Eu vai lá na cururu, pra passar um momento. Eu vai lá na cururu, tic-tá, tic-tá, oh. Olvidamos problemas, vamos pelas cabeça. Porque deseja passear en el cururu. Conmigo, que tu loco cuerpo, la noche caliente, en el cururu, te he visto todo complicado, se te viene bailando, por la noche danzando, en el cururu, meshe, meshe, que bon, ven de saro cururu, siempre en movimiento, se saca, se bon, meshe, meshe, que bon, ven de saro cururu, siempre en movimiento, se saca, se bon. Bailando, bailando, cuduro. Meshe, meshe. Dançando, dançando, cuduro. Dale, dale. Quero bailar a cuduro para passar um momento. Quero bailar a cuduro. Tic-tá, tic-tá, oh, oh, oh. Quero bailar a cuduro para passar um momento. Quero bailar a cuduro. Tic-tá, tic-tá, oh, oh, oh. Dale, DJ Febi. Meshe, meshe, que bom. Vem dançar o cuduro. Sempre em movimento. Mexe, mexe, que bom. Vem dançar o cuduro. Sempre em movimento. Se saca, se bom. Vamos lá, vamos lá. As mãozinhas no ar. É cuduro pra lá. É cuduro pra cá. Vamos lá, vamos lá. As mãozinhas no ar. É cuduro pra lá. É cuduro pra cá. Eu vai lá na cuduro. Para passar um momento. Eu vai lá na cuduro. Tic-tá, tic-tá, oh, oh, oh. Mexe, mexe. Mexe, mexe, que bom. Vem dançar o cuduro. Sempre em movimento. Se saca, se bom. Smoking de travers, je te suis pas dans cette galère. Ta vie, tu peux pas la faire. Tu cherches des morceaux d'hier, pépé, dans des gravats d'avant-guerre. Casino, c'est qu'un tas de pierres. Ta vie, tu peux pas la faire. Un peu tes écouteurs par ici. La mer est déjà repartie. Le vieux casino démoli, c'est fini. Et père, t'aurais pas comme une vieille nostalgie. Des guili-guili, Bugatti. Des oh-la-la-la, des soirées de gala. Il y a de la rumba dans l'air, le smoking de travers. Je te suis pas dans cette galère. Ta vie, tu peux pas la faire. Tu cherches des morceaux d'hier, pépère, dans

fini, que tout va bien. Que c'est facile, c'est facile. Je voudrais me poser comme un avion loin des tempêtes. Sauver pour la paix. Sentir un vrai matin sous mes paupières, la lumière, la lumière. Je voudrais me poser, est-ce que tu comprends ça? Je veux plus de combat et j'ai pas honte. Avec 15 ans, c'était le temps de ma première guitare. Et tout ce temps revient souvent du fond de ma mémoire. Ces 15 ans-là, c'était Django qui les mettait en fête. En ce temps-là, c'était Django qu'on avait dans la tête. Et dans sa musique, il y avait comme une odeur de feu de bois. Il y avait un je ne sais quoi, moitié Harlem, moitié bohème. Et sur tout ça, assez joyeux, de merveilleux nuages, pareil à ceux qu'ont dans les yeux tous les gens du voyage. De mes 15 ans elle l'a dans ma mémoire. Et bien des fois, c'est malgré moi, il me vient quelques notes, comme un refrain venu soudain du fond d'une roulotte. Alors je sens sous mes doigts monter l'odeur du feu de bois. J'entends comme un je ne sais quoi, moitié Harlem, moitié Bohème. Et sur mon cœur passe joyeux ces merveilleux nuages, pareil à ceux qu'ont dans les yeux les enfants du voyage. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Avec

jour sur la terre nous portera la lumière et le soleil brillera comme un message d'espoir sur un monde sans frontières. C'est ma prière. Je viens vers toi. C'est ma prière. Reste près de moi. Voici donc en duo Michel Fugain avec Morane. T'arrives en bas de la rue et là, c'est pas le fruit d'automne, le fruit des fruits. Et c'est que t'as vu, et t'as pas tout vu. Allez, tape la lampe, maman, tape la lampe, tape encore une fois. T'as tout à choisir, c'est tout à toi. Tape la lampe, maman, tape la lampe, encore une fois. Tu veux ou quoi, t'en reviens pas. Non, c'est la vie. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Parfois dans la radio,

yeux. Regarde partout l'horizon est si noir. Prends garde qu'aucun enfant ne veuille y croire. Notre avenir, il faut qu'on le prépare. Oui, mais c'est pas les femmes qu'il va venir. Le monde irait bien s'il se décidait à écouter les femmes, à bannir les armes. La folie, le feu, le monde irait bien s'il se décidait à lire le cœur des femmes. Tant de mères ont versé tant de larmes, murmurer des mots d'adieu. Le monde irait bien s'il se décidait à écouter les femmes, à bannir les armes. La folie, le feu. Le monde irait bien s'il se décidait à lire le cœur des femmes. Nous parlions toutes les deux les soirs de ciné. En marchant de longues heures, sans aller nulle part, on s'inventait des jeux, on s'imaginait des gars. Elle disait, petite sœur, attends, ne te mets pas au hasard. On voit donc Eddie Mitchell et puis juste après lui ce sera Corneille. Quand l'hiver perdure, on se

Yeah. cœur, la gaieté en parade, l'égale bonne humeur de façade, l'énergie à revendre au jeu des apparences, et puis enfin me rendre à l'évidence. J'ai besoin de silence, besoin de solitude, besoin d'une indolente hébétude. J'ai besoin de dire non merci pas cette fois, un besoin d'abandon, de me passer de joie. J'ai le cœur en hauteur, besoin de personne, simplement l'envie, l'envie qu'on m'oublie. Le cœur en hauteur, envie de personne, en flagrant délit de mélancolie. Je peux quand je suis sombre imiter le bonheur, dissimuler dans l'ombre la douleur. Je sais rire de tout, mimer la pesanteur. Si je reste debout, c'est surtout qu'à mes heures. Je goûte à la tristesse comme aux fruits défendus, immobile sous l'averse, résolu. L'illusion d'être mort alors que je revis, je vais bien, je suis fort de ma mélancolie. J'ai le cœur en hauteur, besoin de personne, simplement l'envie, l'envie qu'on m'oublie. Le cœur en hauteur, envie de personne, en flagrant délit de mélancolie. Le cœur en automne, besoin de personne, simplement l'envie qu'on m'oublie. Le cœur en automne, envie de personne. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Samedi 13 avril 2024, soirée exclusive avec l'artiste Georges Freyda. Radio Arc-en-Ciel vous propose un concert exceptionnel avec l'artiste Georges Freyda et tous ses musiciens. Le samedi 13 avril à l'espace Montition à Saint-Jean-Blanc. Qui ne connaît pas les chansons emblématiques de cet artiste qui a su séduire plusieurs générations de Portugais? Alors écoutez et appréciez ces quelques extraits. Cor maldita, ao ver-te minha alma grita, és tu quem vai matar. A portuguesa é a mais linda, é engraçada quando fala, quando diz, é uma franqueza tão refeitinha, é fruta.

ne fondra pas. J'irai bien glisser mon grain de sable dans l'ordre et la paix civile. Glisser mon grain de sable au milieu des huiles. Mais mon pauvre petit grain de sable, dans quelle eau ces incapables, dans quel béton mal coffré vont-ils le jeter? Grain de sel, mon grain de sel, fondra comme une étincelle sur ta langue, il n'y a que là où ne fondra pas. Où ne fondra pas. J'irai bien mettre un grain de beauté dans leur maison, leur message. Mettre un grain de beauté dans leur paysage. Mais mon petit grain de beauté, ils voudront le faire sauter. Quand ils m'auront bien fait mal, tout sera normal. Si j'allais poser mon grain de sel dans leur salle ou leur salade, poser mon grain de sel dans leur purée froide ou dans leur bac à vaisselle, mon petit grain de sel, quand il aura disparu, toi tu m'aimeras plus. Quand il aura disparu, toi tu m'aimeras plus. Grain de sel, mon grain de sel, fondra comme une étincelle sur ta langue, et rien que là où ne fondra pas, où ne fondra pas. Aller à un concert, repeindre ma chambre en verre, boire de la vodka, aller chez Ikea, mettre un décolleté, louer un meublé et puis tout massacrer. Pleurer pour un rien, acheter un chien, faire semblant d'avoir mal et mettre les voiles, fumer beaucoup trop, prendre le métro et te prendre en photo. Fermer tout le jour, écrire des mots d'amour, boire mon café noir, me lever en retard, pleurer sur un trottoir, me serrer sur ton cœur, pardonner tes erreurs, jouer de la guitare, danser sur un comptoir, remplir un caddie, avoir une petite fille et passer mon permis. Je t'étouffe par les fenêtres. Et fumer toujours trop, éveiller tes soupçons, te demander pardon et te traiter de con. Avoir un peu le spleen, écouter Janis Joplin, te regarder dormir, me regarder guérir, faire du vélo à deux, se dire qu'on est heureux, emmerder les envieux. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur. J'ai mon rhumatisme qui devient gênant. Ma pauvre Cécile, j'ai 73 ans. Je fais de la chaise longue et j'ai une babysite. Je traînais moins la jambe. Michel Delpech, voici Stéphane Echer et puis Véronique Sanson. We'll be right back. je t'ai pardonné. Je t'aimais bien plus qu'un seul homme. Élevons sur le chemin, élevons sur le chemin. Ne me dis rien, ne me dis rien.

Et donc après tout simplement Jonas, eh bien je vous laisse avec Vanessa Paradis. Step by step on the dream. 96.2 La FM, la FM en couleur. Pas pour ça, non. Moi, dis pas pour ça. Antimissier, grosso modo. Antimissier, mal élevé. Antimissier, la caille, gilo. Télé, danse, et puis moi. Antimissier, tout flèque. Antimissier, tout l'équité. Car allez-moi en salle, anti-missier grosso modo, anti-missier mal élevé, anti-missier la caille gilo, télé danser et puis moi, anti-missier tout les quêtes, anti-missier tous les quêtes, car allez moi en salle bala, pour te faire moi ça te pas. Mais non, pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça, ou peut qu'arriver et puis moi, mais dis pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça. Pe que vive a aya non. Outsam, pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça. Pour qu'elle était la tapissée. Missé, pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça. Ça va qu'à manger et puis moi. Anti-missier grosso modo. Anti-missier mal élevé. Anti-missier la cagilo. Télé danser et puis moi. Anti-missier tout la crête. Anti-missier tout la crête. Ce sera tout simplement Christophe avec Aline. It's hard on me, but I won't cry. We gonna part, so you should know I love you. I wish I could stay, but I gotta go. time in your hometown. And now keep in mind all our youth. Try to remember that I'm your big fan too. My heart will stay, but I gotta go. Divine. The highway's my best friend when I'm driving home again. When I'm up and down the country, you're asking for a little more time together, and you won't take no for an answer. So take this little song when you go back home. I wish I could stay, but I gotta go. I've been up and down the country, from the ocean to the sea, from the Blue Ridge Mountain side, far across the great divide. The highway's my best friend when I'm driving home again. When I'm up and down the country, be alright while I'm up and down the country, from the ocean to the sea, from the Blue Ridge Mountain side, far across the great divide. The highway's my best friend when I'm driving home again. When I'm up and down the country, oh, I'm up. Just a little thought before I'm going all the way. I'll be waiting on the hillside where the wild red roses grow. On the sunny side of the mountain where the rippling waters flow. Don't forget about the days we courted many, many years ago. Don't forget about the promises you made me and Rose. For I'll be waiting on the hillside when the day you will call. On the sunny side of the mountain where the rippling waters fall.

dimanche, tu seras ma dernière chanson. Dans chaque fille que j'ai connue, c'est un peu toi que je cherchais. Quand dans mes bras je t'ai tenu, moi je tremblais, je comprenais que tu es sorti d'une fable pour venir habiter mon rêve. Et ce serait bien regrettable que notre amour ainsi s'achève. Oui, ce serait bien regrettable que notre amour ainsi s'achève. Sur tes hanches, ne fais pas ses yeux furibonds. Oui, tu auras ta revanche, tu seras ma dernière chanson. Laisse mes mains sur tes hanches, ne fais pas ses yeux furibonds. Oui, tu auras ta revanche, tu seras ma dernière chanson. Voilà donc, il est 16h50, voici donc Décrimeur, c'est sur cette chanson qu'on va se quitter. Voilà donc, et bien j'espère que vous avez passé une très bonne après-midi, c'est ma compagnie, donc on va se retrouver donc la prochaine fois, voilà. Et je vous dis bonsoir à tous et à toutes. Pour nous l'avenir sourit, sois pas cruel. Ce cœur est à toi. Sans amour je ne vis pas, et je ne veux que toi dans mes bras. Oh, pourquoi me torturer? Tu veux me faire mourir? Reviens chez moi, je veux t'aimer. Tu sais bien ce que ça veut dire. Sois pas cruel, ce cœur est à toi. Je t'aime vraiment chéri, je le jure. Dis-moi ce qu'il faut faire pour te combler de joie. Tu es sur cette terre, un don du ciel pour moi. Sois pas cruel, ce cœur est à toi. Oh, sans amour je ne vis pas, et je ne veux que toi dans mes bras. Oh, sois pas cruel. Ne sois pas cruel, ce qu'elle veut à toi. Oh, sans amour je ne vis pas, et je ne veux que toi dans mes bras. Plaisir. On est au courrier.